Chapitre 8e, départ. Le lendemain matin, le docteur Leicester vint de très bonne heure. Après avoir passé quelque temps auprès de Madame Delville et avoir donné ses instructions aux médecins et aux chirurgiens auxquels il la confiait, il prit congé, mais ce ne fut qu'après avoir trouvé moyen de s'entretenir un instant en particulier avec Cécile. Il profita de cette occasion pour lui recommander de prendre soin de sa santé et de ne pas se laisser abattre par le chagrin. « N'allez pas imaginer, lui dit-il, que parce que je suis l'ami de la famille Delville, je ne rends pas justice à votre mérite, ou que je m'aveugle sur ses faiblesses et ses travers. J'en suis bien éloigné. Mais pourquoi y aurait-il quelque chose de commun entre elle et vous? Qu'elle garde ses préjugés, qui, quoique différents, ne sont pas plus ridicules que ceux de leurs voisins. Et vous, conservez vos perfections, sachez en tirer tout le bonheur qu'elles sont capables de vous procurer. Les gens trop sensibles se rendent souvent très à plaindre en se persuadant qu'il n'est pour eux qu'une seule manière d'être heureux. Tandis que s'ils voulaient se donner la peine de les chercher, ils en trouveraient 50 qui leur réussiraient aussi bien. « Je crois que vous avez raison, » répondit Cécile, « et je vous remercie de l'avis. Je ferai mon possible pour adopter votre système. »« Vous êtes spirituelle et charmante, » dit le docteur, « et quand M. Mortimer trouvera une belle princesse descendue en droite ligne d'Egbert Ier, je l'estimerai moins heureux que s'il obtenait votre main. Néanmoins, tout bien considéré, le vieux Delville a droit de chercher à se satisfaire à sa manière. Et après l'avoir bien blâmé, nous verrons peut-être que ce qui nous y a engagés n'a été que la différence qui se rencontre entre sa façon de penser et la nôtre. Rien n'est plus vrai, repartit Cécile. Mais voudriez-vous me permettre de vous faire encore une question? Pourriez-vous me dire de qui, comment et quand est arrivée la vie qui a causé tout cet accident? Elle hésita. Mais le docteur, ayant facilement saisi son idée, lui répondit « Je n'ai point su comment ils étaient parvenus à s'en instruire, parce que je n'ai jamais cru qu'il valût la peine de m'en informer, puisque cette affaire était si généralement connue que je ne rencontrais personne qui parut l'ignorer. » Ces dernières paroles furent accablantes pour Cécile. Ce que le docteur ayant aperçu, il chercha de nouveau à la consoler. « Que le bruit s'en soit répandu, dit-il, c'est un accident auquel il n'y a plus de remède. » Par conséquent, il est inutile d'y penser. Tout le monde conviendra que votre choix mutuel fait honneur à l'un et à l'autre, et personne ne saurait avoir honte de vous remplacer l'un et l'autre, lorsque le cours ordinaire des choses de cette vie vous engagera, ainsi que M. Mortimer, à jeter les yeux sur quelqu'un d'autre. Il a pris la résolution sage et prudente d'aller voyager et de ne revenir dans sa patrie que lorsqu'il sera plus maître de lui. Quant à vous, ma bonne jeune demoiselle, après avoir donné les premiers moments de votre douleur, je ne vois plus rien qui puisse troubler votre félicité. Tout l'univers est à votre disposition. Vous avez de la jeunesse, de l'esprit, de la fortune, de la beauté. Vous êtes indépendante. Ôtez donc de votre esprit cette malheureuse affaire et souvenez-vous qu'à l'exception de cette famille, il ne s'en trouverait peut-être pas une seconde dans tout le royaume qui ne fût très flatté de s'allier avec vous. Il prit ensuite affectueusement congé d'elle et monta dans sa voiture. Quoique Cécile eût dès le commencement fort bien remarqué la facilité et l'esprit philosophique qu'on apporte ordinairement toutes les fois qu'il est question d'argumenter sur les calamités et de moraliser sur l'inconduite des autres, elle eut pourtant la bonne foi et le bon sens de voir que ce qu'il lui avait dit n'était point dénué de raison, et elle résolut de faire le meilleur usage qui lui serait possible des motifs de consolation qu'il venait de lui présenter. Pendant le cours de la semaine suivante, elle se dévoua tout entière au service de Madame Delville, qui se montrait de plus en plus sensible à son empressement. Cette semaine expirée, le docteur Leicester consentit à revenir à Bury pour en repartir avec Madame Delville et l'accompagner à Bristol. « Eh bien, » s'écria-t-il, profitant de la première occasion pour tirer Cécile à l'écart, « comment vous trouvez-vous? Avez-vous, ainsi que vous me l'aviez promis, cherché à vous approprier mon système? « Oui, sans doute, » repartit-elle. « Je me flatte même d'avoir fait quelques progrès à cet égard. « Vous êtes une charmante personne, » reprit-il, « et bien extraordinaire. Sur mon honneur, je plains de tout mon cœur le pauvre Mortimer. C'est un jeune homme de mérite, qui pense noblement, et qui se conduit avec un courage et une prudence admirables. Il aurait remué ciel et terre, s'il avait cru pouvoir vous obtenir, mais voyant qu'il ne saurait s'en flatter, il se soumet avec grandeur d'âme à sa destinée. » Les yeux de Cécile s'animèrent à ce discours. « Oui, » répondit-elle, « on a dit depuis longtemps que c'était l'incertitude qui faisait notre malheur. Car c'est alors que les passions ont tout pouvoir et que la raison n'en a plus. Mais lorsque les maux sont sans remède, et que nous n'avons plus la ressource de nous abuser par des chimères, nous trouvons de la nécessité dans la philosophie les consolations dont nous avons besoin, et insensiblement, nous croyons n'avoir fait que suivre notre penchant. « Mais il me semble, dit-il, que vous avez bien approfondi cette matière. Je ne veux pourtant pas que vous vous livriez trop à des réflexions aussi sérieuses. Elles sont en général très opposées au bonheur. Je voudrais, autant que vous le pourrez convenablement, que vous les évitassiez. Promenez-vous et cherchez à vous distraire. C'est ce que vous pourrez faire de mieux. » Tout l'art de se rendre heureux dans ce monde me paraît consister uniquement dans ceci, que ceux qui ont du loisir sachent s'occuper et que ceux qui ont des occupations sachent se procurer du loisir. Il lui apprit ensuite que le père de Delville était beaucoup mieux et ne gardait plus la chambre, qu'il avait eu le plaisir d'être témoin de sa réconciliation avec son fils, dont il était plus enchanté et plus vain qu'aucun père ne le fut jamais. « Ne pensez pourtant plus à lui, ma chère demoiselle, continua-t-il, car l'affaire me paraît tout à fait désespérée. Il faut que vous me pardonniez d'avoir été un peu trop officieux. Je vous avoue que je n'ai pu m'empêcher de proposer à ce vieillard un expédient de mon invention. J'avais imaginé un tempérament. En vérité, mon projet était assez insensé. Il est vrai que, quand les gens sont une fois prévenus, tous les raisonnements deviennent inutiles. Je proposais que l'un et l'autre, renonçant à vos noms, puisqu'ils ont tant de peine à s'accorder ensemble, vous en adoptassiez un troisième, qui serait un titre. Mais M. Delville m'a déclaré en colère que quoi qu'un pareil expédient pût convenir au pauvre Mylord Arnolf, dont la pairie était récente, jamais il ne consentirait que ses nobles aïeux vissent un de leurs descendants abandonner celui que tant de siècles avait rendu illustre. Son fils Mortimer, a-t-il ajouté, devait nécessairement hériter du titre de son grand-père, son oncle étant âgé et non marié. Que, supposé même que ça n'arriva pas, il préférait de lui voir mendier son pain plutôt que de renoncer à sa plus chère espérance. Qui était que le nom de Delville, de Mylord Delville, se perpétua de génération en génération, sans interruption et sans tâche. « Je suis fâché, dit Cécile, que vous ayez fait une pareille proposition. Je vous prie très sérieusement de ne jamais penser à la renouveler. Fort bien, repartit-il. Je ne voudrais pour rien au monde vous faire de la peine. Mais qui aurait pu supposer que cet expédient eût déplu ? Monsieur Mortimer, ajouta-t-il, doit venir aujourd'hui devant nous à X. Il m'a déclaré que rien au monde ne serait capable de l'engager à reparaître ici où il serait impossible de soutenir une épreuve pareille à celle de la semaine passée. Le carrosse se trouva prêt, et Madame Delville le fut bientôt aussi. Cécile s'approcha pour prendre congé d'elle, mais le docteur qui la suivait lui dit « Point de discours, point de remerciements, point de compliments d'aucune espèce. J'emmènerai ma malade sans permettre un seul mot, et je veux bien me rendre responsable de son peu de politesse, je consens qu'on s'en prenne à moi. » Cécile voulut alors se retirer, mais Madame Delville lui tendit les bras, disant « Je me soumettrai volontiers, docteur, à tout ce que vous pourrez exiger de moi. Mais dussé-je mourir en prononçant ces mots, je ne saurais quitter cette incomparable fille sans l'avoir assurée combien elle m'est chère, combien je l'estime et combien je suis reconnaissante. » Elle l'embrassa et s'avança vers la porte. Cécile, au signe que lui fit le docteur, s'abstint de la suivre. « Voilà donc, s'écria-t-elle, lorsqu'ils furent partis, à quoi aboutissent mes liaisons avec cette famille, qu'il semble que je n'ai connu que pour avoir une nouvelle preuve de l'insuffisance de la fortune pour le bonheur. Qui ne regarderait celle dont je jouis comme propre à assurer ma félicité ? C'est ainsi que par des réflexions tristes et philosophiques sur les misères dont cette vie est semée, elle cherchait à adoucir l'amertume de ses chagrins et à calmer l'agitation de son cœur oppressé. Le lendemain lui procura un peu de consolation. Madame Charlton, à peu près rétablie, fut en état de descendre et Cécile eut du moins la satisfaction de voir se terminer heureusement une maladie dont elle avait cru être la cause. Elle l'avait soignée avec tout le soin possible et s'efforçait de paraître satisfaite, espérant qu'en continuant de prendre sur soi, cette apparence se changerait bientôt en réalité. Madame Charlton se retira de bonne heure et Cécile la suivit dans sa chambre. Tandis qu'elles étaient ensemble, on vint l'avertir que M. Monckton était dans la salle. L'esprit occupé des tristes événements qui s'étaient succédés depuis leur séparation, et craignant ses questions relativement aux disgrâces qui lui avaient presque prédites, elle entendit avec peine qu'on l'annonçait, et alla le recevoir avec beaucoup de confusion. Tout la manifestait. Il en triomphait en secret. Sa douleur mal déguisée assurait le succès de ses desseins. Cécile se hâta, dès qu'elle fut entrée, de lui parler des sommes qu'elle lui devait. Il lui fit des excuses de ne les avoir pas payées au moment où elle avait atteint sa majorité. Il ne savait que trop la manière dont elle avait employé son temps, et il l'assura que ce délai ne lui avait fait aucun tort, qu'il n'était nullement pressé. Ce préambule le conduisit naturellement à s'informer de l'état actuel de ses affaires. Incapable d'entrer dans des explications qui ne pouvaient que lui attirer de nouvelles mortifications, elle l'arrêta. « N'exigez de moi, je vous prie, monsieur, aucun détail de ce qui s'est passé. L'événement m'a causé des chagrins qui doivent me mettre à couvert des censures et des reproches. Je conviens de la justesse et de la prudence de vos conseils. J'avoue et je sens mon erreur, mais l'affaire est absolument finie, et la malheureuse alliance que j'étais prête à former est rompue pour toujours. » C'en fut assez pour Monckton, qui, après cette assurance, n'eut pas besoin de grands efforts pour réprimer sa curiosité. Il ne se fit plus presser pour changer de conversation et la soutint avec adresse et avec gaieté. Il lui parla de Mme Charlton, pour laquelle il n'avait pas la moindre considération. Il l'entretint de Mme Harrel, dont l'existence lui était tout à fait indifférente, et de leurs connaissances de la province, parmi lesquelles il ne s'en trouvait aucune qui l'intéressât. Mais ses espérances qui commençaient à renaître lui rendaient tout sujet de discours également agréable. Il se trouvait allégé d'un poids qui l'avait accablé. L'objet de ses poursuites se trouvait encore à sa disposition. Le rival entre les mains duquel il l'avait vu livré n'était plus à redouter. Une pareille résolution lui présentait une perspective plus flatteuse que jamais. En quittant la maison de Cécile, il se considéra avec complaisance comme ayant surmonté tous les obstacles qui s'opposaient à ses projets.